Là, j'ai du mal à respirer. Comme des couteaux dans la gorge. Rempli de douleur, on se retrouve en sueur, les draps sont trempés et le corps humide. Même la salive, faut recracher. Faut recracher. Faut du paracétamol, mais à trop en prendre. L'estomac a mal. L'estomac a mal. Et ça n'y fait plus rien. Ça n'y fait strictement rien. Pour les couteaux dans la gorge, la faim est là, le mal aussi, la gorge sèche, pourtant faut se forcer, se forcer à boire, sinon l'urine acide. Gueuler, gueuler, pleurer, pleurer, mais pourtant faut se forcer. Les couteaux dans la gorge sèche, pourtant faut se forcer. C'est pas facile, non, de compter que sur soi. Dans ces moments-là. Car même aux urgences, ils ont banalisé la chose. Et te disent, c'est normal. C'est normal. C'est le Covid. C'est quoi ? Le Covid. Et cette tige dans le nez, qu'on te met la tige en plastique dans les narines, ça te suffit pas d'une, non, il faut faire les deux. Ils n'ont pas trouvé mieux, hein, non, que de faire pleurer pour confirmer. On dirait que ça leur fait plaisir, qu'ils sont contents. Tu fais partie de la bande maintenant. Tu fais partie de la bande maintenant. Ah, mais le pire des douleurs, mal aux jambes. Courbaturée, la fièvre, chaud, froid, plus en pouvoir. Le mal d'oreille vers la fin, là. Maintenant, j'arrive plus trop à avoir de souffle. Le souffle, ouais. Mal aux jambes, parce que plus de souffle. Oxygène qui manque, on dirait, vers la fin. Enfin, vers la fin, je sais pas si c'est la fin d'ailleurs. maintenant ça irait mieux, mais tu peux rien faire parce que t'es essoufflé, t'en peux plus. Rien que de manger, t'en peux plus. Rien que de parler, t'en peux plus. De rien faire, t'en peux plus. Tu te lèves, tu fais un petit tour, ça y est, t'en peux plus. T'en chies des bulles, t'en chies des bulles. Mais c'est moins... Mais c'est moins pire. Parce que le pire des douleurs, que tout ça, la fièvre et tout, par tout ce cinéma, c'est bien les couteaux dans la gorge. C'est bien les couteaux dans la gorge. Dans la gorge, c'est bien les couteaux dans la gorge. Le pire, c'est bien le couteau dans la gorge. C'est bien les couteaux dans la gorge. Oh, le pire, pousserait à te tuer. Dans la gorge, couteau dans la gorge, le pire, le pire, le pire, c'est bien les couteaux dans la gorge, oh ouais. Dans la gorge. Et on te dit, c'est normal, c'est le Covid, mon petit bonhomme.